pas changé, non. Même si l'orage l'a venu de l'air, moi toujours ni pour l'amour, moi déni. Depuis le premier jour, moi, ouais. Depuis je vois pourquoi dans la vie, moi, rien ne peut arriver. Yeah.